Doudou, dis-moi, qu'est-ce qui est arrivé? Vous et moi, c'est pour l'éternité. Dis-moi, qu'est-ce qui est arrivé? Tout ça t'es qui peut finir. Pas guère une seule raison pour tuer nos stories.